Today, 18th of June, year 2017, on Sunday. So we have to continue to our yogi. The Dhamma Talk encouraging now. Yogi practice, keep on practicing until nearly retreat going to end. That's why it is we have to know, to be clearer, to understand all the process what we are doing. Nous sommes aujourd'hui, dimanche, le 18 juin 2017. Nous allons poursuivre notre enseignement sur le Dhamma, qui a pour but d'encourager les méditants. Les yogis sont presque arrivés à la fin de la retraite. Il faut donc qu'ils comprennent clairement ce qu'ils font ici. Hier, nous avons expliqué comment le méditant procède pour développer la compréhension juste. Le méditant doit observer le corps et l'esprit, autrement dit la vie, et voir l'interaction entre tous ces phénomènes. C'est de cette façon qu'il va pouvoir se débarrasser de la souffrance, mettre fin à la souffrance. Avant d'atteindre l'illumination, avant d'atteindre la cessation de la souffrance, l'esprit des êtres est plein de pollution. Aujourd'hui, je vais expliquer en quoi le sotapanna s'est débarrassé de certaines de ces pollutions. Aujourd'hui, je vais vous parler des trois sortes de compréhension. Il y a trois compréhensions, Niyata Parinya, Tirana Parinya et Pahana Parinya. La première, Niyata Parinya, c'est la compréhension qui permet au méditant de voir clairement qu'à l'intérieur de lui, il n'y a que des phénomènes en interaction, il n'y a qu'une succession à l'infini de causes et d'effets. Donc, il y avait ces trois connaissances, Niyata Parinya, Tirana Parinya et Pahana Parinya. La première connaissance, Niyata Parinya, consiste à voir clairement les causes et les effets. La deuxième connaissance, Tirana Parinya, consiste à voir les trois caractéristiques des phénomènes. Lorsque le méditant en est encore à la première connaissance, il voit les caractéristiques individuelles des phénomènes. En pali, on dit « sabhava lakana ». Il voit par exemple la chaleur, le froid, le mouvement, la vibration, la dureté, etc. Tout cela, ce sont les caractéristiques individuelles des phénomènes. Mais lorsqu'il arrive à la deuxième connaissance, Tirana Parinya, le méditant voit les caractéristiques communes des phénomènes. Et les caractéristiques communes des phénomènes, c'est qu'ils sont tous anicca, dukkha et anatta. Les caractéristiques communes se disent en pali samanya lakana. Le méditant voit tous les phénomènes comme ayant des caractéristiques individuelles et également des caractéristiques communes. Ils sont tous anicca, impermanents, dukkha et anatta. Le méditant va donc voir qu'il y a à l'intérieur de lui une succession à l'infini de phénomènes qui apparaissent et disparaissent instantanément. Il va observer ainsi ces apparitions et disparitions de phénomènes jusqu'au moment où il atteindra Sankharupeka Jnana, la connaissance de l'équanimité. Il va ensuite expérimenter Anuloma Jnana, et à cette connaissance-là, son esprit va s'aligner sur Magga et Phala, le chemin et le fruit. Le méditant réalise ainsi Tirana Parinya. La troisième connaissance, Pahana Parinya, C'est la connaissance qui permet aux méditants d'éradiquer les impuretés mentales. Parana veut dire éradiquer. Le yogi sait quels sont les kilesas qu'il a réussi à éliminer de son esprit définitivement. Il a réussi à éradiquer certaines kilesas à chacun des quatre stades d'éveil. Au premier stade d'éveil, au stade de Sotapanna, il éradique certaines kilesas. Au deuxième stade d'éveil, le Sakatagami, il éradique certaines autres kilesas. Au troisième stade d'éveil, le stade d'Anagami, il éradique encore d'autres kilesas. Et au dernier stade d'éveil, le stade d'Arahant, si on veut, il éradique tout le reste des kilesas. L'Arahant n'a donc plus aucune forme de kilesa dans son esprit, il les a toutes éradiquées définitivement. Le Sotapanna a donc éradiqué deux kilesas, Ditti et Visikicha. Le fait de les avoir éradiqués constitue la première qualité du Sotapanna. Ditti et Visikicha, ce sont donc les deux impuretés dont s'est débarrassé le Sotapanna. Ditti, ce sont les vues fausses. La vue fausse, c'est une vue qui s'enracine dans les concepts. Par exemple, je vous parle. Ce je est un concept. Il peut s'agir d'un moine, d'une nonne, d'une personne laïque, d'une femme, d'un animal, etc. Ce sont tous des concepts. Et ce « vous » à qui je parle est également un concept. Et le Sotapanna est en mesure de voir qu'il s'agit là de concepts uniquement. Il a développé les vues justes. Il voit clairement qu'il n'y a dans ce « je » et dans ce « tu » que des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux en interrelation. Il voit Nama et Rupa clairement, il voit clairement les causes et les effets. Ayant vu cela clairement, il dépasse les vues fausses et sa façon de percevoir les choses va changer. Visikicha, c'est le doute. Il s'en est également débarrassé. Si le méditant travaille avec attention, concentration et claire compréhension, il va observer tout ce qui se passe à l'intérieur de lui et verra parfois tous ces phénomènes très clairement. Il les verra très clairement apparaître et disparaître. Mais par moments, son esprit sera pris par l'agitation ou par la torpeur, par la somnolence, et le doute va se remanifester. Tant que ce méditant n'aura pas atteint le stade de Sotapanna, ses doutes sont toujours susceptibles de se manifester dans son esprit. Il peut avoir énormément d'expérience, mais tant qu'il n'aura pas atteint ce stade, il sera toujours susceptible d'avoir des doutes. C'est pour cette raison que le maître de méditation demande toujours aux élèves de ne pas penser, car c'est par la pensée que le doute va s'infiltrer. Et il n'est pas possible de se débarrasser de ce doute par la réflexion intellectuelle. Il faut réaliser par expérience directe la nature des phénomènes, et ceci va se faire progressivement. Il faut savoir aussi que ce doute et ces vues fausses sont en nous depuis des temps immémoriaux. Tout au long de notre errance dans le samsara, nous avons été victimes de ce doute. Ce n'est pas facile de s'en débarrasser. Prenons par exemple Nibbana. On ne sait pas exactement en quoi cela consiste. On vous dit que c'est l'état sans attachement, sans désir. Mais quelqu'un qui n'a pas encore atteint le stade de Sotapanna va se demander comment est-il possible de vivre sans désir. C'est très difficile à croire. Mais si vous expérimentez les différentes connaissances vipassana, vous allez progressivement comprendre en quoi cela consiste réellement. Il n'est pas possible, pensez-vous, de faire quelque chose sans désir. Et pourtant, vous allez petit à petit réaliser que c'est possible et que moins il y a de désir, moins vous souffrez. Lorsque vous serez devenu un Sotapanna, vous ne douterez plus de tout cela. Et cette absence de doute, cette victoire sur le doute, est une des grandes qualités du sotapanna. C'est la première. Une deuxième qualité du sotapanna, c'est se dire en pali vipalasa. Vipalasa veut dire retournement. Le sotapanna va donc retourner à la fois ses perceptions, ses vues et ses pensées. On peut dire que, avant d'atteindre le stade de sotapanna, la personne est hallucinée. Elle est hallucinée au niveau des perceptions, au niveau des vues et au niveau des pensées. Les perceptions se disent sanya en pali, la pensée se dit citta et les vues se disent ditti. Il y aura donc trois changements qui vont se faire. Le premier, et ces changements vont se faire à ces trois niveaux. Le premier, c'est donc la permanence va être remplacée par l'impermanence. Et ceci va se faire au niveau des vues, des perceptions et de l'esprit. Avant d'atteindre le stade de sotapanna, la personne pense que les phénomènes qui la constituent sont permanents, que cela dure, que c'est solide. Mais dès qu'il aura développé la compréhension, il verra clairement que tous ces phénomènes n'en finissent pas d'apparaître et de disparaître. Ils sont impermanents. De cette façon, le sotapanna remplace nicca, la permanence, par anicca, l'impermanence. Et il le fait au niveau des vues, des perceptions et de l'esprit. Il va également modifier sa façon de voir la vie. Avant de devenir sotapanna, il pensait que la vie est quelque chose d'agréable, de désirable, qu'elle est remplie de plaisir. Mais dès qu'il aura réalisé sotapanna, il verra clairement que la vie est insatisfaisante, qu'elle est dukkha. Il voit la vérité. Le putujana, l'être ordinaire, a beaucoup d'attachement pour la vie. À cause de cet attachement pour les phénomènes vitaux, il souffre. Le sotapanna, par contre, comprend que la vie est un fardeau. Tout ceci devient très clair pour lui, et en conséquence, son attachement au processus vitaux va diminuer. Ceci va se faire progressivement. Car personne ne veut souffrir. Dès que l'on comprend en quoi consiste réellement dukkha, on va essayer de se débarrasser de dukkha. La troisième chose que le sotapanna va modifier, va convertir en lui, c'est la notion de atta qui sera remplacée par la notion de anatta. Atta, c'est l'ego, c'est l'orgueil. Tant que l'on n'a pas atteint le stade de sotapanna, on a beaucoup d'orgueil, on croit fermement que la personnalité existe réellement, qu'elle nous appartient. Mais la personne qui réalise sotapanna a vu clairement que ce je n'existe pas vraiment, son orgueil diminue en conséquence, il voit qu'il n'y a à l'intérieur de lui qu'une succession à l'infini de phénomènes physiques et mentaux, reliés entre eux par un lien de causalité. Il voit qu'il n'y a que des namas et des rupas. La personne qui croit encore en l'atta, avant donc d'atteindre le stade de sotapanna, pense par exemple que ce corps lui appartient. Mais si cette personne a vraiment réalisé les expériences vipassana, elle va se débarrasser de cette vue fausse, elle verra clairement que cet atta, cette entité permanente, n'existe pas. Cette personne va également voir que le corps, en réalité, n'est pas beau, qu'il est plutôt repoussant. Il doit être lavé, entretenu, soigné. Il est asubha. La personne qui donc a réalisé sotapanna voit cela très clairement. Elle réalise à quel point ce corps est un fardeau. Elle va réaliser tout cela et ses perceptions, ses vues et sa compréhension vont changer. Tout ceci, c'est la deuxième qualité du sotapanna. Les qualités suivantes du sotapanna, c'est que le sotapanna a une dévotion très profonde pour le Bouddha, le Dhamma et la Sangha. La personne, le méditant, a pratiqué et après un certain temps, il a réussi à installer en lui le calme, la paix. À ce stade, il va expérimenter des choses qu'il n'avait encore jamais expérimentées auparavant, ni dans cette vie même, dans cette vie-ci, ni dans les vies antérieures. Il expérimente une paix tout à fait inconnue jusqu'alors. Si c'est le cas, sa confiance dans le Bouddha va s'en trouver renforcée tout simplement parce qu'il expérimente le Dhamma et que le Dhamma vient du Bouddha. On dit, le Bouddha lui-même a dit, si vous voyez le Dhamma, vous voyez le Bouddha. Le Sotapanna voit donc le Dhamma et en conséquence, il voit le Bouddha. Il va alors réfléchir et se dire que pour enseigner de telles choses, il faut certainement être un Bouddha. Il faut savoir que du temps du Bouddha, les professeurs enseignaient une méditation samatha qui menait au jhana. Ils se prétendaient des Bouddhas. Les gens n'étaient pas capables de faire la différence et de savoir s'ils étaient réellement des Bouddhas. Mais dès le moment où ils ont réussi à eux-mêmes développer leur pratique pour devenir des sotapanna, ils ont été en mesure de faire la différence. Ils étaient capables de voir, d'apprécier la pratique de quelqu'un et de voir si réellement il avait atteint le stade de sotapanna. S'il avait vraiment atteint le stade de sotapanna, il pouvait en effet se dire un Bouddha. Et il pouvait réaliser que le Bouddha était effectivement un vrai Bouddha, puisqu'il avait enseigné une méthode qui permettait d'atteindre ces niveaux très avancés. La personne qui donc a atteint le stade de sotapanna va également se mettre à réfléchir à propos des grands disciples du Bouddha, les dépositaires de l'enseignement du Bouddha. Et ils vont comprendre que ces grands disciples, ces arhats et tous ces grands pratiquants ont certainement réalisé eux également les stades très avancés de la pratique. Ils vont alors avoir beaucoup de respect, une grande confiance pour ces personnes. C'est ainsi que le sotapanna a une dévotion très profonde pour le triple joyau, le Bouddha, le Dhamma et la Sangha. Il y a par exemple au Myanmar des musulmans qui se sont mis à pratiquer la méditation bouddhiste, qui ont atteint les stades avancés de la pratique et qui, dès lors, se sont mis à étudier pour pouvoir devenir des enseignants du Dhamma. Tout simplement parce que, étant devenus sotapanna, ils voyaient le Bouddha, le Dhamma et la Sangha. Le sotapanna est en mesure de tout abandonner pour le Bouddha, le Dhamma et la Sangha. Il a une dévotion très profonde pour le triple joyau. C'est la troisième qualité du sotapanna. Lorsque la personne est devenue un sotapanna, sa confiance, sa foi va devenir inébranlable. En pali, on dit adigamasaddha. Le bouddhisme n'est donc pas une religion. Il ne s'agit pas de rituels ni de cérémonies. C'est essentiellement une pratique. Les instructions doivent être mises en application par chacun individuellement. C'est une pratique qui est ouverte à tous, que l'on soit chrétien, musulman, hindouiste, juif. Tout le monde peut suivre les instructions. Parfois, quand je me rends dans des pays étrangers, je constate que certaines personnes n'acceptent pas les aspects religieux du bouddhisme. Ils refusent par exemple de se prosterner, ou bien ils ne montrent pas de respect particulier pour les moines, choses qui sont courantes dans le bouddhisme. Mais nous ne nous offusquons pas, nous acceptons par compassion, sachant que ce n'est pas indispensable. Ces gens vont alors simplement pratiquer, mettre en application les instructions que nous leur donnons, Et lorsque leur pratique se sera développée et aura atteint de bons niveaux, ils verront le Dhamma et en conséquence verront le Bouddha. Leur attitude va alors changer. Le Dhamma, ce sont simplement les instructions que le maître de méditation donne à l'élève pour qu'il puisse progresser, pour qu'il puisse se trouver bien installé sur le chemin juste. Il verra alors petit à petit la réalité, il comprendra l'univers tout entier. Le bouddhisme n'est donc pas une religion, c'est un art de vivre. Au départ, il y a sila, la moralité. La personne qui respecte les préceptes moraux est en général appréciée des autres, elle est aimée, c'est une bonne personne qui vit dans le plan humain. Cette personne, si elle passe au deuxième entraînement et qu'elle développe sa concentration, son attention, elle va réussir à contrôler son esprit. Elle sera alors devenue une personne meilleure. Elle contrôle son esprit, ses pensées, ses émotions et en conséquence, sa qualité de vie augmente. Une personne qui a ainsi développé sa compréhension et qui est devenue une personne meilleure va pratiquer la compréhension et peut éventuellement réaliser le stade de Sotapanna, elle sera alors devenue une personne noble. Voici comment, par la pratique de Sila, de Samadhi et de Panya, on passe d'un statut de bonne personne au statut de personne meilleure et enfin au statut de noble personne. Le fait de respecter les préceptes moraux sans qu'il y ait aucun écart est une des qualités du Sotapanna. Un Sotapanna ne rompt pas ses préceptes moraux. Il ne tue pas, il ne vole pas, il ne se méconduit pas sexuellement, il ne pratique pas le mensonge et il ne prend pas d'intoxicants ou de drogues, tout ce qui diminue l'attention. Donc, dans le bouddhisme, traditionnellement, on rend hommage au Bouddha. Lorsqu'on rend hommage au Bouddha, on ne demande pas quelque chose. Si on se prosterne, c'est simplement pour montrer son respect et sa dévotion par rapport à l'enseignement du Bouddha. Il y a une histoire à ce sujet qui est assez éloquente. Du temps du Bouddha, il y avait un roi du nom de Utena. Ce roi n'était pas bouddhiste, il ne croyait pas aux enseignements bouddhistes. Sa reine s'appelait Samavati. La servante de la reine s'appelait Kujutara. Chaque jour, le roi donnait $8 à la servante pour aller chez le fleuriste et acheter un bouquet de fleurs pour la reine. Chaque jour, la servante se rendait donc chez le fleuriste, mais au lieu de lui donner $8, elle lui donnait $4 et les 4 autres, elle les empochait. Un jour, le fleuriste du nom de Sumana invita le Bouddha pour une offrande de repas. À la fin du repas, le Bouddha était censé donner un enseignement sur le Dhamma. Kujutara, la servante, arriva donc au moment du repas, ne sachant pas que le Bouddha serait là, pour acheter le bouquet à $4. Mais comme le fleuriste n'était pas libre, il lui a demandé d'attendre. Le Bouddha a donné son enseignement sur le Dhamma. Il a parlé de Dana, la générosité, de Sila, la moralité, de Nekama, le renoncement, de Magga, le chemin, qui mène à la sagesse. À la fin de l'enseignement sur le Dhamma, Kujutara, la servante, atteint l'état de Sotapanna. Elle avait pu atteindre cet état très rapidement, étant donné que les paramis étaient très développés chez elle. Elle avait contemplé le corps et l'esprit au moment où le Bouddha donnait son sermon. Ses connaissances vipassana s'étaient développées très rapidement et en très peu de temps, en 1 heure environ, elle avait réalisé Nibbana. Il faut savoir que la réalisation de ces stades avancés est imprévisible. On ne peut pas dire qui atteindra ni à quel moment. Il est possible que quelqu'un réalise ces états en quelques secondes, parfois en quelques heures. Le Bouddha lui-même a mis 6 ans à réaliser l'illumination. Il s'est ensuite rendu chez ses anciens compagnons qui avaient pratiqué la méditation Samatha pendant de très longues années, qui avaient donc l'esprit très pur. Au moment où il a prononcé la première phrase de son sermon, du sermon de la mise en mouvement de la roue du Dhamma, Kondanya, le plus âgé des 5 compagnons, atteignit l'état de Sotapanna. Il avait donc atteint cet état en 1 heure. Nous, ici, nous pratiquons avec beaucoup d'efforts. Tout ça est dû au fait que nos esprits sont très agités. Du temps du Bouddha, les gens avaient l'esprit très paisible, très simple. Il n'y avait pas toutes ces complications comme Internet, par exemple. C'est pour cette raison qu'ils réalisaient très vite. Pour ce qui est des 5 compagnons du Bouddha, Kondanya, le plus âgé, réalisa donc à la fin de la première phrase du sermon, très rapidement. Chaque jour, un des autres compagnons du Bouddha réalisa le même état, l'état de Sotapanna. Après le sixième jour, lorsque les 5 compagnons eurent donc tous atteint l'état de Sotapanna, le Bouddha délivra un sermon sur les caractéristiques de Anatta, Anatta Lakkhana Sutta. À la fin du sermon, les 5 compagnons devinrent des arhats. Ils avaient donc atteint la libération totale. Revenons-en maintenant à la servante, Kujutara. Elle était donc devenue une Sotapanna à la fin du sermon du Bouddha. Le lendemain, le roi lui donna de nouveau 8 dollars pour aller acheter le bouquet de fleurs. Elle se rendit chez le fleuriste et lui donna cette fois non pas 4 dollars mais 8 dollars. Sumana, le fleuriste, se demanda pourquoi elle lui donnait tout à coup 8 dollars. Elle ramena le bouquet à 8 dollars chez la reine, qui s'étonna également car il y avait 2 fois plus de fleurs que d'habitude. Il faut savoir qu'à l'époque, les rois et les reines avaient le pouvoir absolu sur leurs servants, et que cette femme risquait donc la peine de mort si la reine ou le roi apprenait qu'elle les avait volés. La reine lui demanda donc comment il se faisait que son bouquet était 2 fois plus garni qu'avant. Comme elle était devenue Sotapanna, la servante ne put transgresser le précepte de s'abstenir de mentir. Elle dit donc la vérité à la reine. Mais la reine, par compassion, lui demanda de se rendre tous les jours chez le Bouddha, d'écouter les enseignements et de venir lui en faire rapport au palais. Ceci illustre donc le fait que, étant devenu Sotapanna, il devient impossible à cette personne de rompre ses préceptes moraux. Time over a bit, huh? So may you all be well and happy. We stop here. Sahara. Sahara. Sahara. Sahara.